la question de pourquoi j'étais encore en vie. Avec tout ce que j'ai subi, devrais-je continuer ainsi? Le passé me hante et en moi tourmente l'envie de prendre mes cordes vocales et de me pendre devant une horde coupable. Quitte à vivre avec cette addiction, je dois faire l'effort et faire preuve d'attention. Sur ma santé, rien ne m'oblige à arrêter, rien ne m'oblige de ne pas faire du sport à côté. De me laisser aller, finir comme Gustav Haar ou Dwayne Jay-Z. Je dois bel et bien l'accepter, je finirai un jour par crever l'abcès. Les problèmes d'amour, les problèmes financiers, t'as toujours irrespecté. J'ai fini par accepter cette vie condamnée comme un prisonnier. Emprisonné dans cette vie, j'ai su me trouver un petit coin de liberté. J'aimerais pouvoir revoir le soleil comme la nuit le sommeil. Un marteau piqueur dans le coin de ma tête. Quelques douleurs, quelques couleurs, images, quelques restes. Je perds la mémoire donc je pense se bête. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une main. Pas le temps pour les remords. Ce soir, je sors. Est-ce que t'as déjà traîné tout seul le soir? Est-ce que t'as déjà traîné tout seul le soir? Est-ce que t'as déjà traîné tout seul le soir? Est-ce que tu vois de quoi je parle? Est-ce que t'as déjà traîné tout seul le soir? Est-ce que t'as déjà traîné tout seul le soir? Est-ce que t'as déjà traîné tout seul le soir? Est-ce que tu vois de quoi je parle? Est-ce que t'as déjà traîné tout seul le soir? Est-ce que t'as déjà traîné tout seul le soir? Est-ce que t'as déjà traîné tout seul le soir? Est-ce que tu vois de quoi je parle? Est-ce que t'as déjà traîné tout seul le soir? Est-ce que t'as déjà traîné tout seul le soir? Est-ce que t'as déjà traîné tout seul le soir? Est-ce que tu vois de quoi je parle? Suis-je seul sur terre à combler le manque d'amour d'hier? Avec du shit et de l'herbe, je sens que je me suis comme pris au piège. Je me sens de plus en plus faible, ces souvenirs la nuit me projettent envie de rejoindre l'enfer. J'ai passé ma vie dans le noir, à la recherche d'un espoir, d'une lumière et d'une gloire, en regardant les étoiles le soir. Je n'arrive pas à m'en défaire, ces souvenirs deviennent un enfer. Je n'arrive pas à m'en défaire, chaque nuit fait que je m'enterre. Comment me taire? J'aurais dû te dire que j'étais bien avant qu'on ait notre appart. J'aurais dû te dire que je t'aime bien avant même que tu ne partes. Côté double R qui part.